Nous sommes à l'entrée d'une aire piétonne. C'est ce qu'indique ce panneau. Pour des raisons commerciales et pratiques, la plupart du temps, il est nécessaire d'assouplir la réglementation. Donc ce panneau stipule qu'entre 10h et 19h, cette rue est strictement piétonnière. Aussi, avant 10h et après 19h, les cyclistes tout comme les voitures peuvent s'engager et circuler dans cette rue. Il est 9h. Pendant encore une heure, une multitude d'usagers vont pouvoir partager cet espace. Réponse B et D.